under the police. Vous entendez un grand boom. Bah, tout a pété. La police, c'est la merde. L'armée, c'est la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bienvenue à tous et à toutes dans le magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes. Ici, on cause de l'actualité des luttes de la France et du monde qui pue et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. Nous sommes là tous les mercredis donc sur Jet FM à partir de 12h05 jusqu'à 13h30. Nous sommes en direct et vous pouvez nous contacter donc en direct au studio. Dans le studio au 02 28 25 23 88 et sinon sur notre boîte mail maglib@rizup.net. Et vous pouvez retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org et sur le site de Jet aussi. Donc jetfm.asso.fr. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre. Nous allons parler, nous allons donner des nouvelles de la famille Traoré du côté de Beaumont-sur-Oise, donc la famille d'Adama qui est décédée le 19 juillet 2016 suite à une intervention de police, de gendarmerie. Nous allons continuer, nous allons parler de la justice à l'encontre des mineurs. Nous allons lire un compte-rendu de l'appel de non-lieu donc contre les gendarmes qui ont tiré sur Rémi Fraisse. Donc l'appel qui a eu lieu le 10 octobre, qu'on avait annoncé il y a quelques semaines sur cette antenne. Et puis nous allons terminer par des annonces. Alors, on va commencer par donner des nouvelles donc de la famille Traoré. Donc pour rappeler un peu Adama Traoré, donc il est mort le 19 juillet 2016 à l'âge de 24 ans, c'était le jour de son anniversaire, à la gendarmerie de Persan, après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, donc par les gendarmes. Les gendarmes ont utilisé la technique du plaquage ventral. Depuis, sa famille et ses amis veulent que la vérité éclate. Adama n'est pas mort d'une infection ou d'un arrêt cardiaque, comme veulent le faire croire les experts. Mais ce sont bien les gendarmes qui l'ont tué. Alors, la famille a demandé une expertise indépendante en mars 2019. Et cette expertise a conclu que la mort d'Anama est due à une asphyxie mécanique. Cet été, le comité s'est déplacé au TGI de Bobigny pour réclamer qu'aucune juge s'empare des nouvelles conclusions de l'expertise. Mais c'est sans succès. Et du coup... Assa, donc la sœur d'Adama, dit « Aujourd'hui, nous n'avons plus confiance en la justice. Selon leur version, mon frère serait mort de cause cardiaque et d'une infection très grave, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Or, nous avons démontré que cette version ne tenait pas la route. » Et par rapport, les juges d'instruction ne prononcent aucune mise en examen pour les gendarmes. En 2018, ils ont été entendus en tant que témoins assistés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose pour qu'Anaba ne meure pas? Est-ce qu'ils auraient pu l'emmener à l'hôpital ou... voilà. Mais par contre, ils n'ont jamais été entendus par rapport à l'interpellation et aux violences qui ont été commises sur Adama. Alors par contre, c'est un véritable acharnement judiciaire, policier et judiciaire qui s'abat sur les frères et sœurs et la sœur d'Adama. Donc depuis le décès d'Anama, donc en 2016, 4 de ses frères ont été incarcérés. 2 sont toujours en détention. Yacouba donc, a été mis en détention en 2017, il me semble, pour participation présumée à l'incendie d'un bus. Il a été condamné à 3 ans de prison et le parquet a fait appel parce qu'il a requis 6 ans. Et un deuxième frère d'Anama, donc Bagui, a été lui plusieurs fois incarcéré et il a été dernièrement suspecté d'avoir tiré sur des gendarmes. Et la plainte, en fait, la plainte comporte plus de 60 noms de gendarmes. Il est toujours en taule, il attend un procès. Donc ça, c'est par rapport au frère d'Anama. Et la sœur d'Adama, donc, elle aussi, subit un acharnement depuis quelques temps. Récemment, elle a été attaquée en diffamation par les gendarmes impliqués dans la mort de son frère. Elle a été convoquée et entendue par les autorités donc, mardi 1er octobre. Elle va être mise en examen. L'ont notifié les agents de police judiciaire qui l'auditionnaient. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette convocation fait suite à 2 publications sur la page Facebook « La vérité pour Adama » datant du 19 septembre 2018 et du 19 janvier de cette année, où les noms des gendarmes responsables de l'interpellation mortelle de son frère sont cités. Ces derniers, donc, les gendarmes attaquent Assa, la sœur d'Anama, en justice pour diffamation publique. Donc, Assa a revendiqué être l'auteur de ces publications, qui font vivre la mémoire de son frère. Et comme chaque 19 du mois, donc Adama est mort le 19 juillet, et chaque 19, elle poste une publication en lien avec l'avancement, ou pas, de l'affaire, afin que ceux qui suivent la situation via Facebook puissent être tenus informés. Au cours de l'audition, il a été demandé si elle comptait retirer ses postes. Elle a répondu fermement non. Non, non. Pour affirmer la légitimité de ses accusations, elle s'appuie notamment sur la dernière expertise médico-légale, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été réalisée aux frais de la famille et qui a été publiée en mars dernier, qui démontre une asphyxie positionnelle incriminant directement les techniques de pliage dans la mort d'Adama. Qui incrimine les gendarmes en fait qui ont pratiqué cette technique. Malgré cet argument, il lui a été communiqué à la fin de son audition qu'elle sera mise en examen pour diffamation publique et s'expose donc à une amende de 12 000 euros. Alors, il est précisé dans un papier que j'ai trouvé que Assa a été convoquée en tant que directrice de publication de la page Facebook. En fait, plusieurs fois sur le compte Facebook donc du comité Vérité pour Adama, les noms des gendarmes avaient été publiés. Et là, les deux plaintes des dates dont j'ai donné tout à l'heure, du 19 septembre et du 19 septembre 2018 et 19 janvier de cette année, en fait, dans ces postes, Adama parle à la première... Assa, la sœur d'Adama, parle à la première personne. Elle dit que c'est bien elle qui publie ces postes-là et que du coup, c'est aussi... elle dit, c'est évidemment moi qui suis visée, voilà, c'est ma famille et on veut faire tomber la famille d'Adama pour qu'il se taise et arrête de et donc c'est elle qui est visée en fait excusez-moi, je trouve plus mes mots. il y a eu une première plainte là au sujet de ces posts sur Facebook. Et il y a eu une deuxième plainte qui a été déposée la semaine dernière, donc, et à ça, donc, à la sœur d'Adama a été convoquée le lundi 14 octobre. 14 octobre au commissariat d'Ivry. Alors cette fois-là, c'est la maire de Beaumont-sur-Oise, Nathalie Groux. On en a déjà parlé dans une de nos émissions que vous pouvez retrouver sur notre blog, donc maglib.noblogs.org. Et c'était une émission qu'on avait fait en 2017. On avait déjà parlé de la famille Traoré. Et du coup, donc Nathalie Groux, en fait, elle porte plainte contre Assa Traoré. En fait, elle revient sur un événement d'il y a plus d'un an. Il y a eu un événement qui avait été organisé, une initiation à la boxe pour les petits et les grands, en fait, qui avait été menée par une ancienne championne du monde sur un terrain de foot du quartier de Boyenval en avril 2018. Et du coup, les plaintes sont déclaration incomplète donc de la manifestation sur la voie publique et dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité publique. Or, il n'en est rien du tout. Assa dit bien que cette manifestation a été déclarée et que, en fait, les détériorations, en fait, pour les détériorations, les dégradations, les photos qu'elle a pu voir lors de son de sa convocation, en fait, datent du 30 avril. Or, deux jours après la manifestation, et en deux jours, effectivement, quelqu'un a pu passer par là et aussi dégrader un peu le lieu. Donc, devant le commissariat, ce jour-là, il y avait quelques soutiens. Donc, face à ce petit comité de soutien, il y a des forces de l'ordre qui s'avancent. Il y a 8 policiers, en fait, qui sont venus une première fois demander la raison de cette présence. Puis, une seconde fois, pour un contrôle d'identité. Et la plainte a été menée par l'enquête des gendarmes de Beaumont-sur-Oise. Donc, comme je l'ai dit, elle s'appuie sur des photos datées du 30 avril, soit deux jours après l'événement organisé par le comité pour Adama. Et voilà, donc ces photos illustrent un terrain de foot partiellement couvert de canettes et de bouteilles au sol. Sont également dans ce dossier 50 pages, précise Assa, plusieurs portraits des participants de cette journée. Donc Assa précise bien que l'événement a bien été déclaré à la préfecture de Cergy-Pontoise et que n'ont rien dégradé le lieu. Je voulais revenir aussi sur, parce que dans le papier que j'ai, il y a aussi donc, tout ce que je vous ai parlé de Nathalie Groux, la maire de Beaumont-sur-Oise. Donc on peut rappeler que en fait... donc là, elle a porté plainte contre Assa Traoré, mais c'est en fait depuis le décès d'Adama, en fait, elle met des bâtons dans les roues à la famille pour que la vérité ne sorte pas. Elle avait, par exemple, souligné le travail exemplaire des forces de l'ordre plutôt que de s'associer au deuil de la famille Traoré. Donc c'est elle aussi qui avait convoqué les forces de l'ordre lorsque la famille et les proches avaient souhaité assister à un conseil municipal. En 2016, peu de temps après la mort donc, d'Adama. C'est Nathalie Groux aussi qui avait porté plainte contre Assa pour diffamation en 2016 et qui avait demandé à son conseil municipal que le budget communal dédommage ses frais de justice. Et c'est elle aussi qui avait relayé le 12 novembre 2016 un post disant « Mais que les citoyens de souche s'arment et viennent en aide à nos pauvres policiers sans recours ». Je me souviens qu'on en avait parlé dans une émission précédente. Et c'est elle aussi qui, donc là, le 21 juillet, à l'occasion de la 3e marche commémorative en l'honneur d'Adama, avait osé envoyer une lettre aux habitants en les invitant à rester chez eux. Donc voilà, il y a un véritable acharnement qui s'accélère donc contre la famille d'Adama, maintenant contre Assa, donc la sœur d'Adama qui se bouge et qui essaye de faire en sorte que la vérité éclate et soit connue au nom de tout le monde. Alors Assa a écrit une lettre ouverte la semaine dernière. Je peux vous en lire, je peux vous la lire tout de suite. Alors, lettre ouverte d'Assa Traoré. Même si on m'enferme, vous vous devez de reprendre le combat. Je dénonce la plainte abusive des gendarmes et qu'ils soient condamnés à me verser des dommages et intérêts. Les gendarmes ont déposé plainte pour diffamation contre moi parce que j'ai affirmé qu'ils ont tué mon frère, Adama Traoré. Dire que les gendarmes ont tué Adama, ce n'est pas diffamatoire, puisque c'est la vérité. La famille Traoré a déposé plainte contre ces trois gendarmes pour violence ayant entraîné la mort et l'instruction a démontré que le décès d'Adama a été causé par les techniques d'interpellation utilisées par les gendarmes. Ils ont eux-mêmes admis que pendant l'interpellation, ils avaient écrasé mon frère en lui faisant supporter leur poids à tous les trois, soit plus de 240 kilos. Les expertises réalisées ont conclu que la cause du décès était un syndrome asphyxique aigu. Les professeurs de médecine ayant réalisé une expertise à la demande des parties civiles ont affirmé qu'Adama n'était pas malade et que l'asphyxie était due aux gestes utilisés par les gendarmes pendant l'interpellation, notamment la compression thoracique. Lorsque je comparaîtrai devant le tribunal pour diffamation, si les gendarmes n'ont pas encore été définitivement condamnés, les juges pourront décider de ne pas dire si mes propos reflètent la vérité. Mais sans condamnation définitive, je ne pourrai être déclaré coupable de diffamation, car lorsque j'ai affirmé que les gendarmes ont tué Adama, je n'ai pas menti. Je l'ai dit de bonne foi. Même si je suis très éprouvée par le décès de mon frère, je n'ai jamais été menaçante, insultante ou injurieuse vis-à-vis des gendarmes. Je reste objective lorsque j'affirme qu'ils l'ont tué. Nous avons déposé plainte pour violence mortelle. Une instruction est en cours. Les éléments du dossier démontrent leur responsabilité et ils doivent être mis en examen. Mes propos sont fondés sur des éléments tangibles et objectifs. Je n'ai pas affirmé que la justice les avait reconnus coupables d'avoir tué Adama. J'ai demandé leur mise en examen. Mon objectif est que la procédure judiciaire aboutisse à la vérité et à la condamnation des gendarmes. Lorsque les forces de l'ordre sont mises en cause, la justice n'est pas diligente. Il est légitime d'alerter l'opinion publique sur les dysfonctionnements du système judiciaire et sur l'iniquité de la justice dans les affaires de violence commises par les forces de l'ordre. C'est à cause de ces dysfonctionnements que je suis contrainte de porter publiquement le combat pour obtenir la justice et la vérité sur la mort d'Adama. Les propos que je tiens dans ce cadre ne sont pas diffamatoires, ils sont légitimes et reflètent la vérité. Donc voilà, c'était la lettre ouverte d'Assa, donc la sœur d'Adama, une lettre qu'elle a écrite la semaine dernière. On va continuer à suivre, à prendre des nouvelles donc, de la famille d'Adama, de la famille Traoré. Je pense qu'on reviendra sur cette situation dans les émissions prochaines. On se retrouve après un morceau de musique. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des porcs armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout. des pierres et des cocktails balancés à genoux, ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et de propre, ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées au pied des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usés par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha, on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha, on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Toujours à l'écoute du magazine Libertaire sur Jet FM, et on va continuer à parler justice, injustice, tout ça, puisqu'on va vous passer une rediff autour de la justice à l'encontre des mineurs. C'est un sujet qu'on avait fait en mars 2018 au moment où l'appel d'offres pour un centre éducatif fermé était sorti en Loire-Atlantique. Depuis, cet appel d'offres, il a été remporté. Le centre éducatif fermé, il va être construit par le groupe SOS, et le groupe SOS c'est un groupe qui est leader de l'économie sociale et solidaire. Oui, il y a des leaders dans l'économie sociale et solidaire, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ce groupe, on dit qu'il est leader de l'ESS parce que c'est un groupe qui a un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, de 950 millions d'euros. Ce serait une start-up, on dirait que ce serait bientôt une licorne. Voilà. Du coup, 950 millions d'euros en 2018 de chiffre d'affaires. Et ce groupe, il est dirigé par Jean-Marc Borello, qui est lui-même un proche d'Emmanuel Macron. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter cette rediffusion qui dure une demi-heure. Et on va retourner au direct juste après. À tout à l'heure et bonne écoute. Vous l'aurez sûrement appris, la préfecture de Loire-Atlantique vient de lancer un appel à projet pour le premier centre éducatif fermé du département. Ça m'a donné envie de consacrer quelques minutes de cette émission à la question de la justice pour enfants, qui se traduit en fait assez souvent par une justice à l'encontre des enfants. Je vais donc parler un peu de l'histoire de cette justice. Je vais pas faire une chronologie complète et détaillée, du coup il va manquer plein de bouts. Il va aussi manquer plein de bouts du contexte social et politique dans lequel a commencé à exister cette justice. La Révolution française, les Premières Républiques, la Restauration, les révoltes et les révolutions, les guerres, l'industrialisation, l'exode rural, etc. Bref, l'idée c'est aussi de te donner envie à toi, auditoriste, d'aller fouiller dans cette histoire pour essayer de comprendre comment aujourd'hui c'est encore possible que le pouvoir et son système judiciaire essayent de faire croire qu'on peut grandir et se sentir bien dans ce monde à coups de punition, de coercition et d'enfermement, et que se passe ce monde merdique qu'il faut changer, mais les enfants et les jeunes qu'il faudrait dresser et faire rentrer de force dans les cases étriquées de la norme. Si on peut dire un truc de l'histoire de la justice des mineurs en France, c'est que c'est pas une histoire linéaire ni progressiste. Selon les époques, au gré des changements politiques et sociaux, des prises de conscience et des révoltes dans les lieux d'enfermement, des luttes, des campagnes électorales et des réformes du système judiciaire, cette histoire montre des tensions et des contradictions dans les différentes façons de penser et d'appliquer cette justice. Au cours des siècles, quand la justice tombe sur la gueule de celles qui sont considérées comme mineurs, déviants et déviantes, c'est le plus souvent pour les enfermer, les punir, les châtier, les corriger, les rééduquer, les placer, les enrôler, les ficher, les isoler, les cacher, les juger, les psychiatriser, les surveiller, les contrôler, les observer et les exploiter. Cette histoire, donc, beaucoup d'historiens la font commencer pendant la Révolution française. En 1791, le premier code pénal voit le jour. Deux changements par rapport à l'ancien régime vont nous intéresser ici. Le fait que la prison devienne une peine, et plus un endroit où on attend que sa peine soit prononcée, et aussi l'idée que la justice ne peut pas s'appliquer de la même façon aux enfants qu'aux adultes. Sous Napoléon, le code pénal de 1810 précisera l'application de cette justice pour enfants et ça se traduira notamment en 1836 par l'ouverture de la première prison pour mineurs, la Petite Roquette à Paris. On y enferme, dans des cellules individuelles, des enfants dont les plus jeunes ont 7 ans, la plupart gosses de pauvres, accusés de vagabondage, de mendicité ou de vol. En 1840, 4 ans après son ouverture, un système d'isolement total de jour comme de nuit y est mis en place, proposé par Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont, tous deux magistrats. Des sortes d'alvéoles vont être construites dans la chapelle et dans l'amphithéâtre, des couloirs vont quadriller la cour de promenade, tous les espaces collectifs vont être cloisonnés pour empêcher ces enfants et ces jeunes de communiquer et de se voir, pour les priver de relations les uns avec les autres. Alors, la Petite Roquette, on va créer enfin la maison d'éducation correctionnelle que souhaitait la Révolution française. On l'a créée quasiment 40 ans après, hein, mais dans un espace pénitentiaire, hein, qui est très influencé par une théorie anglaise qui est la théorie du panoptique, c'est-à-dire que dans cette institution, tout doit être centré sous la surveillance. Il faut que l'enfant, car la Petite Roquette, ce sera pour les mineurs, hein, il faut que l'enfant se sente en permanence sous la surveillance des hommes et sous la surveillance de Dieu. L'enfant est dans sa cellule, mais tous les jours, il va et à la messe et il suit un cours dans cet amphithéâtre qui est au cœur même de la Petite Roquette. Et là, comme il faut que le silence soit absolument respecté, on invente. Combien de temps ça a fonctionné, je suis bien incapable de le dire. On ne sait pas très bien. Hein, une partie des archives de la Petite Roquette ont brûlé pendant la Commune. On invente un petit wagonnet, un petit train, qui circule dans les grands couloirs de la Petite Roquette. Ce petit train est actionné par les gardiens. Chaque petit wagonnet s'arrête devant une cellule. Le gardien ouvre la porte. Le jeune détenu met une cagoule noire sur sa tête. Il entre dans le petit wagonnet. Les petits wagonnets s'acheminent vers l'amphithéâtre. Et dans l'amphithéâtre, le jeune détenu entre dans une alvéole qui l'empêche de communiquer avec à gauche et à droite. Il n'a comme angle de vue que l'endroit où effectivement le prêtre dit la messe ou l'instituteur délivre son cours, et c'est à ce moment-là qu'il enlève sa cagoule noire. Ensuite, retour. Ces gamins, ils sont arrivés en 1830. Hein, c'est là le début de l'industrialisation. Et l'industrialisation, elle va durer 40 ans. Donc l'image de la peur sociale et du fléau social, c'est une image qui va être dominante jusqu'à la fin du 19e siècle et qui va justifier ces institutions. Donc voilà, une partie de la justice des mineurs, c'est cette contradiction entre les principes édictés et leur application. Par exemple, on avance une idée qui peut paraître progressiste, genre la place des enfants, c'est pas d'être en prison aux côtés des adultes. Et au lieu de se dire, bah ouais, c'est vrai, les mômes, ils devraient pas aller en tôle, ben non, on leur construit une prison rien que pour eux, avec tout ce qu'il y a comme dispositifs les plus coercitifs. On peut aussi donner l'exemple des philanthropes qui se disent « Bon, quand même, l'univers carcéral, c'est pas top pour les mômes. Il faudrait peut-être leur donner un autre environnement à ces mômes qui galèrent en ville. » Ben, genre d'idée, ça va se concrétiser pour les garçons dans la première colonie agricole pénitentiaire créée en 1839. C'est la colonie agricole de Maitrey. Là-bas, pas de hauts murs, pas d'architecture panoptique, mais un peu d'instruction, quelques messes et surtout du travail agricole et une discipline militaire. Au silence rédempteur doit se substituer la nature rédemptrice. Face au principe carcéral de la Petite Roquette, des voix se font entendre pour condamner l'enfermement et l'isolement. Ce courant philanthropique, conduit par La Rochefoucauld, Alphonse de Lamartine, mais aussi la famille royale et de nombreux penseurs issus de la philanthropie sociale, soutient qu'il faut enlever ces enfants à la corruption des villes et les envoyer dans le monde rural en leur donnant une formation agricole pour les ramener aux principes fondamentaux, la salubrité, l'ordre et la moralisation. Sauver le colon par la terre et la terre par le colon. Cette formule de Charles Lucas, inspecteur général des prisons, symbolise parfaitement le courant des colonies agricoles pénitentiaires, dont la première et la plus célèbre fut celle de Maitray, en Indre-et-Loire, fondée par Frédéric Auguste de Metz. Et le courant agricole, c'est vrai qu'il vient de la philanthropie sociale, et en particulier avec un personnage qui est de Metz, un magistrat, qui lui, depuis des années et des années à Paris, envoie des gamins à Petite Roquette, parce qu'il sait, et il se doute bien que ce n'est pas la solution. Et lui aussi, de Metz, il va voyager, il va aller en Prusse. Et là, en Prusse, il va trouver une colonie agricole protestante qui l'intéresse beaucoup, à Orne. Et puis ensuite, il va aller en Angleterre. Là, en Angleterre, il va trouver un système beaucoup plus dur. C'est ce qu'on appelle les workhouses. Alors là, je vous renvoie un peu à Charles Dickens. Il a beaucoup parlé des workhouses, des maisons de travail, où là, on prépare les jeunes enfants vagabonds anglais à devenir les futurs colons des colonies britanniques. Donc un régime extrêmement dur. Hein. Si vous voulez être colon là-bas en Afrique, hein, il vaut mieux s'aguerrir. Donc un système très dur. Et il va créer Maitray, je dirais, à partir de ces deux références-là. La colonie agricole de Maitray reçoit ses premiers colons en 1840. C'est une colonie privée. Maitray est un hameau où les travaux agricoles et l'artisanat sont le quotidien des enfants. L'éducation est à la fois militaire, morale et religieuse. Les jeunes colons qui y sont envoyés viennent de toute la France, coupables le plus souvent de petits délits, de vagabondage, ou bien placés par leurs parents dans le cadre de la correction paternelle. Il faut vous imaginer des colonies agricoles avec en moyenne 300-400 enfants. On a donc des enfants qui peuvent avoir 3-4 ans et des jeunes adultes qui peuvent avoir 20-21 ans. Donc il faut imaginer cette promiscuité-là, hein, et cette mixité-là dans les âges, avec des placements qui peuvent durer 5, 6, 7, 10 ans. Et cette même Maitray qui a lancé le modèle de la colonie privée et dans un registre qui est bien le registre, alors je dis la bienfaisance sociale entre guillemets, parce que très rapidement on se rendra bien compte que certaines familles ont comme ça des terres à faire fructifier, vont se faire agréer comme colonies agricoles pour recevoir des gamins qu'elles vont traiter de manière absolument scandaleuse, uniquement pour faire fructifier le domaine. Cette espèce d'expérimentation à Maitray, elle va donner lieu en 1850 à la loi sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, qui va permettre, entre autres, l'ouverture d'un certain nombre de colonies pénitentiaires, privées comme publiques. On y envoie les enfants de moins de 16 ans, non discernants, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme avoir agi sans discernement. Ils sont donc acquittés et envoyés, comme je le disais, dans les colonies pénitentiaires, où ils restent jusqu'à leur majorité pénale, 16 ans, voire leur majorité civile, 21 ans. On y trouve aussi des orphelins et des jeunes placés par leurs parents dans le cadre de la correction paternelle instaurée par cette même loi de 1850. En 1857, le nombre de mineurs dans ces bagnes atteint le triste record de 7397 enfants. Dans le même temps, des quartiers pour mineurs ont été ouverts dans quelques tôles. Des colonies correctionnelles gérées par le ministère de l'Intérieur vont aussi ouvrir en France et en Algérie pour les enfants condamnés à des peines de plus de 2 ans et pour ceux que les autres colonies n'arrivent pas à discipliner. Parmi celles-ci, la colonie de Saint-Antoine en Corse. En 1851, le ministère de l'Intérieur charge l'inspecteur général Louis Perrault d'une mission en Corse et en Algérie pour l'établissement d'une colonie. Suite à son rapport, la décision est prise d'implanter des colonies pénitentiaires agricoles en Corse. L'objectif de départ, c'était en 1852, c'était de déplacer, dans un premier temps, d'entre 10 et 15% de la population pénale française vers la Corse pour fournir des bras pour l'agriculture qui a manqué énormément. Monsieur le ministre, après avoir visité l'Algérie, puis la Corse, je suis en mesure de vous dire que l'emplacement idéal pour cette nouvelle colonie correctionnelle est la Corse, et plus précisément Ajaccio, au lieu dit Saint-Antoine. L'isolement de la Corse me paraît être une excellente solution pour ce type d'établissement. Parfait, voilà qui va faire plaisir à l'empereur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec notre nouveau ministre de la Justice, M. Abatucci, l'empereur est très attaché au développement agricole de l'île. Voilà donc une main-d'œuvre toute trouvée. C'est donc dans ce contexte que sont créés simultanément, par décret, en septembre 1854, le pénitencier agricole de Côte-Chiavari pour les détenus adultes et la colonie correctionnelle de Saint-Antoine pour les plus jeunes. Saint-Antoine est une colonie disciplinaire publique gérée par le ministère de l'Intérieur. Toutes les fortes têtes des autres colonies agricoles de la métropole y sont envoyées. Elle s'installe à 3 km de la ville d'Ajaccio, au lieu dit Moulinach, sur 325 hectares de terrains municipaux, provenant d'un legs du cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon Ier. Malgré le cadre enchanteur du golfe d'Ajaccio, la vallée de Saint-Antoine, au XIXe siècle, est loin d'être un lieu de villégiature. Elle était infestée par les fièvres que les habitants contractaient durant les premiers mois chauds. Dès le début de l'été, la vallée était abandonnée par les bergers qui migraient avec leurs troupeaux vers les hauteurs. Pour cultiver les plaines, il fallait éradiquer la malaria. C'est dans ce sens-là que Napoléon III, avec le ministre Abatucci, ont choisi la Corse pour justement éradiquer toutes ces maladies et mettre en culture ces plaines qui, on dit qu'à l'époque de Rome, elles étaient extrêmement fertiles. En janvier 1855, au petit matin, ils sont une centaine d'enfants et jeunes adultes à débarquer sur le port d'Ajaccio en provenance de Marseille. Dès leur arrivée, ils sont mis au travail pour ouvrir une route entre Ajaccio et leur baraquement. Principalement originaires de la région parisienne, de la Bretagne ou du Nord, ils ont entre 8 et 21 ans. Certains sont là parce qu'ils ont été exclus de Maitrey ou d'autres colonies pour indiscipline. On y trouve également tous ceux dont on veut se débarrasser, comme ces jeunes gens coupables d'homosexualité, expulsés de la colonie de Drouhère, en région parisienne. Avec l'arrivée des premières chaleurs, les jeunes colons n'avaient pas quitté le fond de la vallée de Saint-Antoine qui était infectée par le paludisme. Le premier été de la colonie pénitentiaire fut meurtrier. La création des pénitenciers agricoles de Corse avait vocation à participer à l'assainissement des plaines et au développement des cultures. Pour œuvrer dans cette tâche, l'administration avait fait appel au docteur Régulus Carlotti. Régulus Carlotti est docteur en médecine, mais se passionne pour l'agriculture. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur les questions agricoles ou de santé publique. Il avait développé une théorie qu'il devait décrire en 1869 dans un ouvrage intitulé « Du mauvais air en Corse, ses causes, son action, les moyens d'assainissement ». Régulus Carlotti était un médecin. Il était persuadé que le paludisme était le fruit de vapeurs nocives qui s'exhalaient des marais. Donc il fallait essentiellement démaquiser et assécher les marais. Et c'est pour ça qu'il voulait mettre sa théorie donc, à l'étude et réaliser cette étude. Et c'est pour cela que lorsque l'inspecteur Boitel demandait si c'était irrémédiable, la maladie, lui, il pensait que non. Il voulait aller jusqu'au bout de son expérience. Après le rapport de M. Boitel sur l'état sanitaire de la colonie, le ministre de l'Intérieur adressait rapidement au préfet de Corse une correspondance indiquant les décisions prises à la suite de l'inspection. La plus importante de ces décisions fut de ne plus laisser les détenus dans les locaux actuels pendant les 4 mois d'été. Le ministre ordonna de faire construire rapidement des refuges dortoirs sur le plateau de Castelluccio, situé sur les hauteurs, afin que les enfants puissent s'y rendre tous les soirs, du 1er juillet au 1er novembre. De plus, suite aux recommandations de Régulus Carlotti, l'administration entreprit d'assécher autant que faire se peut les marécages par la plantation massive des tout nouveaux eucalyptus importés d'Australie afin d'assécher et stopper les vents empoisonnés et supprimer le maquis pour le remplacer par des cultures. En 1858, pour accélérer les travaux de construction du pénitencier définitif, l'administration décide de renforcer les effectifs et porte à 209 le nombre d'enfants. Il en arrive de toute la France. Lorsque le juge m'a envoyé ici, il a dit que c'était pour mon bien, que c'était pour me remettre dans le droit chemin. Je ne vois pas comment on peut se remettre dans le droit chemin en construisant des routes et des murs toute la journée jusqu'à épuisement. Du matin jusqu'au soir, on creuse, on plante, on défriche. Un vrai travail de forçat. Toute la vallée est en culture. On voit aujourd'hui que des maquis, tout est en culture, tout était planté, tout était semé. Pour les années 1860, par exemple, il avait été prévu 40 hectares de plantation. En plus, il y avait des travaux d'élevage, il y avait plusieurs centaines de moutons qui étaient élevés par les enfants. Plus, il y avait quand même la taille des arbres, le ramassage des olives, des oliviers, donc il y avait pas mal de travail de la ferme. C'est dans le principe même des colonies agricoles pénitentiaires. Il s'agit de les former, d'en faire des travailleurs, hein, on est au 19e siècle. Mais petit à petit, la notion de la formation va être oubliée au bénéfice de l'activité. On va les faire travailler. D'abord, les faire travailler parce que ça va faire de la production et ils vont produire. Et puis ensuite, les faire travailler parce que ça va les fatiguer, les épuiser et qu'on aura beaucoup moins de problèmes dans le cadre de la discipline à l'intérieur de ces institutions. À partir de 1862, c'est la politique des grands travaux. Outre les cultures en terrasse et les murs de soutènement, l'administration entreprend, à Coty et à Saint-Antoine, la construction de barrages et de canalisations d'eau. Pour Saint-Antoine, ce sera le barrage de la Lise. 10 000 mètres cubes de retenue construits par l'entreprise Clada, avec comme main d'œuvre les enfants de la colonie. Pour l'époque, l'ouvrage est imposant. Il sera d'ailleurs cité en exemple lors de l'exposition universelle de Paris de 1878. En quelques années, et grâce au travail des enfants, la vallée s'est transformée. Certes, les fiefs sont toujours là, mais avec le tout nouveau bâtiment sur les hauteurs de Castellucci, on ne meurt plus à la colonie. En tout cas, moins rapidement. En revanche, la discipline, elle, est de plus en plus dure. Lorsque les enfants étaient punis, lorsqu'ils avaient commis, disons, un délit, dans les colonies agricoles classiques, c'était le directeur qui sermonnait, etc. Saint-Antoine étant une structure d'État, c'était le code des prisons, comme je l'ai déjà dit, qui s'appliquait. Et donc les enfants étaient traduits devant le prétoire. Les premières punitions, ça peut être une privation de repas, ça peut être aller faire quelques kilomètres dans la nature, hein, éplucher quelques kilos de pommes de terre. Et puis après, ça, vraiment la punition la plus... Après, il y a les coups, et puis après, mais ça, c'est pas vraiment autorisé. Et puis après, la punition la plus autorisée et la plus légale, on va dire, et très, très fréquente dans les colonies agricoles pénitentiaires, c'est le mitard, c'est le cachot, c'est l'isolement. Malgré la surveillance des gardiens, un soir d'avril 66, nous avons tenté de nous échapper de la colonie. Nous étions 5. Pirichou, Béraud, Pilot, Moisan et moi. Nous étions tous les 5 placés en brigade de punition. Faute de place, le soir, nous dormions dans la même cellule. Malgré nos fers aux pieds, nous avons réussi à forcer les barreaux et à glisser jusqu'en bas avec nos couvertures. Les gardiens ont fait tellement fort qu'ils ne nous ont même pas entendus. Je me souviens très bien de leurs noms, Trinita et Venturini. Grâce à nous, ils ont pris 10 jours sans solde. Bien sûr qu'il y a des évasions. Il y a des évasions, il y a eu des évasions tout au long de l'histoire des colonies agricoles pénitentiaires. Il y a eu certainement plus de projets d'évasion que d'évasions réussies. Il y a eu beaucoup d'évasions qui ont avorté et beaucoup d'évasions où les évadés se font rattraper. Dans la plupart des cas, les enfants se font rattraper. L'administration avait fait paraître dans la presse dès l'ouverture en 1855 un avis où il était indiqué que si un enfant s'échappait, ou un adulte, des pénitenciers de Côte-d'Ivoire ou de Saint-Antoine, le citoyen qui les ramènerait aurait une prime de 25 francs. Mais 25 francs à l'époque, c'était énorme, puisqu'un ouvrier agricole touchait 2 francs par jour. Et s'il partait au 2 ou 3, la personne qui ramenait 3 jeunes, donc il touchait 3 fois 25 francs, c'était des fortunes. On n'a pas été bien loin. On s'est caché dans des vignes et au petit matin, on est tombé sur un garde champêtre et des paysans qui nous ont poursuivis. À midi, on était de retour à la colonie, direct au cachot. En 1866, 11 ans après son ouverture, la colonie correctionnelle de Saint-Antoine ferme définitivement ses portes. La forte mortalité liée aux problèmes d'insalubrité furent en grande partie la cause de cette fermeture. Sur les 1136 enfants qui passèrent par cet établissement, 160 devaient décéder. À ce moment-là, 275 enfants étaient encore présents au sein de l'établissement. 11 devaient décéder dans les premiers mois de l'année, 106 ont été libérés et 178 ont été transférés vers d'autres colonies, notamment vers celle de Sainte-Anne sur l'île du Levant. Parmi les libérables, tous ne rentrent pas chez eux. En 1864, le directeur Régulus Carlotti intervient auprès du ministre de l'Intérieur pour faire engager les jeunes détenus directement dans l'armée sans l'avis des parents. Ce sont ainsi une quinzaine de jeunes qui sont enrôlés dans l'armée française. D'autres sont renvoyés chez eux et quelques-uns sont libérés avec interdiction de retourner dans leur famille pendant 3 ans. Les enfants qui étaient libérés étaient mis sur le bateau, on leur payait leur place de bateau, on leur donnait un trousseau, on les habillait, on leur donnait une petite somme, un tout petit pécule, et là, ils avaient un sauf-conduit, donc, pour présenter aux autorités, parce que le vagabondage était interdit à l'époque. Et un jeune qui était arrêté par la maréchaussée, s'il n'avait pas de papier, s'il ne disait pas ce qu'il faisait, donc il avait un sauf-conduit pour se rendre chez lui. Il avait une autorisation de circuler. Et donc, il circulait sur les routes à pied et il repartait pour rejoindre leur lieu d'origine, que ce soit le nord de la France, que ce soit l'Est, que ce soit la Normandie, la Bretagne, la région parisienne. Il partait à pied. Dès le lendemain, on m'a remis la somme de 11 francs, un habillement complet et un billet pour le bateau vers Marseille. Je quittais donc Saint-Antoine après 10 ans de travail et d'humiliation. Et même après tout ce temps, on m'empêche de rentrer chez moi. Quel crime ai-je donc bien pu commettre pour mériter cela? Aujourd'hui encore, je continue à me poser la question. Après la fermeture de Saint-Antoine, l'administration pénitentiaire poursuit la création d'établissements. Belle-Île-en-Mer, Agnan, Montesson. À cette époque, plus d'une cinquantaine de colonies sont réparties sur tout le territoire. 29 ans après l'expérience et l'échec de Saint-Antoine, l'État ouvre une nouvelle colonie correctionnelle à Hesse, dans le Lot-et-Garonne. Là aussi, discipline, pratiques coercitives et répression y sont la règle. Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir une évolution du système judiciaire. À partir de 1911, l'administration pénitentiaire qui relevait du ministère de l'Intérieur va être confiée au ministère de la Justice. En 1912, c'est la création des premiers tribunaux pour enfants et en 1927, les colonies pénitentiaires changent de nom pour devenir des maisons d'éducation surveillées. Le nom change, les méthodes restent les mêmes. Mais dans les années 30, de plus en plus de voix se font entendre pour dénoncer le système des pénitenciers pour mineurs. C'est la révolte des petits bagnards de Belle-Île-en-Mer en été 1934 et la chasse aux enfants qui s'en suivit qui soulèvera dans la population une vague d'indignation sans précédent. Les fermetures s'enchaînent. 100 ans après sa création, la colonie privée de Maitray ferme ses portes. 17 000 enfants seront passés entre ces murs. En 1937, César Campink, député de la Corse et garde des Sceaux, présente une proposition de loi pour le droit et la protection des mineurs. Mais ce sera sa femme, Hélène Campink, avocate et fille du député de la Corse Adolphe Landry, qui, à la mort de son mari, reprendra le combat pour la protection des enfants en justice. Elle préside alors la commission qui rédige l'ordonnance du 2 février 1945 portant sur l'enfance délinquante. Cette ordonnance marque une rupture dans le traitement judiciaire des mineurs. On met en place les juges pour enfants et une direction de l'éducation surveillée est créée quelques mois plus tard. La justice des mineurs devient une justice spécifique. L'ordonnance de 1945 fait toujours référence et reste au cœur du débat public. C'est important de savoir que ces questions se sont posées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Comment on a essayé d'y répondre? Comment on a essayé de les résoudre? Et comment on n'y est pas arrivé? Enfin, je veux dire, c'est même un matériau très riche. Hein, mais il ne s'agit pas d'être des donneurs de leçons. L'histoire, elle n'apporte pas des leçons. Mais elle aide à réfléchir et elle questionne. Bon, bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements? C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le coup? Des oiseaux tout autour de l'île, il y a de l'eau. Retour au direct sur Jet FM avec le magazine Libertaire. On vient donc d'écouter une rediffusion d'un sujet qu'on avait passé l'an dernier. Les extraits sonores que vous avez pu entendre dans cette rediffusion viennent d'un documentaire qui s'appelle Bagne oubliée, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et bien sûr, on mettra le lien avec le podcast sur le site de Jet FM et sur notre blog. Et comme vous l'avez entendu il y a quelques minutes, effectivement, l'histoire, elle aide à réfléchir et elle questionne. Et moi, d'entendre cette histoire de la justice pour mineurs, ça me questionne sur l'état actuel de cette justice dans le glissement général sécuritaire qu'on vit depuis déjà un moment. L'état actuel de cette justice, qui s'exerce donc à l'encontre d'enfants et d'adolescents, c'est notamment le nombre de décisions de justice et d'incarcération qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières décennies et le déséquilibre croissant entre l'éducatif et le répressif. Rappelons qu'à la base, l'ordonnance de 45 devait être un progrès, justement parce qu'elle privilégiait la prise en compte des mineurs dans leur globalité et qu'elle privilégiait aussi l'éducatif sur le répressif. Et pourtant, en 2017, selon le ministère de la Justice, ce sont un peu plus de 47 000 mesures de justice qui ont été prononcées envers des mineurs. Parmi ces 47 000 mesures, plus de 24 000 sont des condamnations à des peines ou à des sanctions dites éducatives. Alors là, je vais donner plein de chiffres. Peut-être c'est pas évident de suivre des chiffres à la radio, mais ça me semblait important quand même de les donner pour qu'on se rende compte justement de l'état actuel de l'enfermement des mineurs. Donc je disais que parmi les 47 000 mesures de justice prononcées en 2017 envers des mineurs, il y en avait plus de 24 000 qui étaient des condamnations à des peines ou à des sanctions dites éducatives. parmi ces sanctions et ces peines, 4789 enfants et jeunes ont été condamnés à de la prison ferme, presque 5000 en fait. Hein. Et 11642 ont été condamnés à des peines de sursis simple ou des peines de sursis avec mise à l'épreuve. Et on va en profiter aussi pour rappeler que le sursis, en fait, c'est bien une peine d'emprisonnement parce que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que si on réitère les faits ou d'autres faits, la peine de sursis peut se transformer en enfermement. Et du coup, le sursis, c'est bien une peine d'emprisonnement. Et si on cumule les peines de prison ferme avec les peines de sursis, on arrive au total à 16431 peines d'emprisonnement distribuées à des ados par la justice en 2017. Donc près de 16500 peines d'emprisonnement. Les peines sans enfermement, elles, et les sanctions dites éducatives, elles représentent moins de 8000 condamnations. Et du coup, on est à une proportion de 2/3 de peines avec enfermement, avec emprisonnement, pardon, 2/3 de peines d'emprisonnement contre 1/3 de peines sans emprisonnement. À ces chiffres, bien sûr, il faudrait ajouter les placements en centres éducatifs fermés, qui sont des prisons qui ne disent pas leur nom, en centres éducatifs renforcés, en centres de rétention, en hôpital psychiatrique, etc., pour avoir une idée du nombre de personnes mineures qui sont réellement enfermées. Ça commence à donner vraiment le vertige, non ? Je vois d'ici une partie des professionnels de la justice ainsi que des réactionnaires et autres partisans de l'ordre critiquer la façon dont je présente ces chiffres. En fait, ces chiffres, on pourrait les présenter comme on veut. Il n'empêche qu'il y a un déséquilibre criant entre l'éducatif et le répressif et qu'il y a un déséquilibre criant entre les types de peines, donc à des peines d'emprisonnement et des peines sans emprisonnement. Et ça, c'est pas pointé du doigt juste par moi, en fait. C'est pointé du doigt aussi par des organisations tels que des syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse, tels que le syndicat de la magistrature ou encore le barreau de Paris, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, l'Observatoire international des prisons, la commission consultative nationale des droits de l'homme, pour ne citer que quelques organisations. Il y a 15 jours, 19 syndicats et associations ont signé un communiqué commun dans lequel ils dénoncent le nombre toujours plus grand de jeunes incarcérés. Je cite un extrait de ce communiqué. Au 1er juillet 2019, 882 adolescents et adolescentes étaient incarcérés, chiffre jamais atteint depuis plus d'une vingtaine d'années. Il faut ajouter le nombre d'enfants placés dans l'un des 52 centres fermés, ceux placés en psychiatrie ou en centre de rétention, ainsi que le chiffre gris des jeunes condamnés en tant que majeurs pour des faits commis du temps de leur minorité. Pourtant, la garde des Sceaux et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avaient assuré que certaines mesures d'application immédiate introduites dans la loi de programmation 2018-2022 de réforme pour la justice du 23 mars 2019 permettraient une diminution du nombre d'enfants placés en détention provisoire, notamment grâce à l'encadrement des conditions de révocation du contrôle judiciaire et à la réduction de la durée du maintien en détention provisoire des mineurs de 13 à 15 ans. Petite parenthèse, oui, vous avez bien entendu, il y a des jeunes, des enfants de 13 à 15 ans qui sont en détention provisoire en France. Donc je résume, la garde des Sceaux et la direction de la PJJ s'étaient engagées que la récente réforme de la justice permette qu'il y ait moins de jeunes enfermés. Et du coup, ce que disent ces 19 syndicats et associations, c'est que ces mesures, elles n'ont eu aucun impact, en fait, sur le nombre d'enfermements. Et du coup, pour résumer la tendance actuelle de la justice pour mineurs, cette tendance actuelle, en fait, elle est à la pénalisation et à l'enfermement. Et la réforme de la justice qui prévoit l'abrogation de l'ordonnance de 45, qui est déjà, comme on l'a vu, bien répressive, au profit d'un code de justice pénale pour mineurs, ça va rien arranger dans cette répression. La suite du communiqué dont je viens de lire un extrait dénonce justement ça, et vous pouvez le retrouver sur Internet, par exemple sur le site du Genepi. Et nous, on essaiera de parler de cette réforme une prochaine fois. Au nom de la sécurité, minorité, arrêtez de pigner, faut s'affilier. Au nom de la sécurité, ça vise les minorités, les minots irrités. On nous demande de payer, d'arrêter de pigner quand on se fait piller. C'est pas le moment de plier, faut s'affilier, ça je l'ai bien pigé. Au nom de la sécurité, on nous prépare une guerre civile, on envoie des missiles. On hypnotise, on traumatise, puis on stigmatise. Crois pas que le peuple soit si docile ou que je dramatise, l'atmosphère s'électrise. La sécurité pour qui? La sécurité pour quoi? Pour la sécurité du fric et surtout celle du pouvoir. On se fourvoie dans un foutoir notoire, j'ai rien à foutre à l'isoloir. Aux élections, je rêve d'une ascension du taux d'abstention, carton rouge. Au nom de la sécurité, on devrait vous destituer. De gauche à droite, on ne sait plus où vous situer. Tous dans le même panier, qui peut le nier? Vous n'avez qu'un désir, celui de gagner. Au nom de la sécurité, ça recrute dans les tranchées que vous avez creusées. Comment se sentir en paix, entouré d'une armée? J'ai que des frères et sœurs à l'armée. Combien d'alarmes on a fait sonner? Non, ce n'est pas un exercice, ni un excès de vice. Rendez-vous service. Au nom de votre sécurité, arrêtez de serrer la vis. On serre déjà la ceinture pour payer les factures. Y en a même qui se la serrent pour arrêter de baisser leur fut. Au nom de la sécurité, c'est votre slogan séculier. Surveillez mon cellulaire, y a rien à voir circuler. Bien sûr que je vous pollue l'air, écoutez la rue hurler. Y a plus d'écus, c'est lié. Je vous prends pas au dépourvu, on se mettra pas au garde à vous. Le nombre de caméras accrues, même dans la rue on garde à vue. Gare à vous, la rage est en crue. Au nom de la sécurité, la liberté a disparu. Au nom de la sécurité, ça vise les minorités, les minots irrités. On nous demande de payer, d'arrêter de pigner quand on se fait piller. C'est pas le moment de plier, faut s'affilier, ça je l'ai bien pigé. Au nom de la sécurité, on nous prépare une guerre civile, on envoie des missiles. On hypnotise, on traumatise, puis on stigmatise. Crois pas que le peuple soit si docile ou que je dramatise, l'atmosphère s'électrise. Pour votre sécurité, attachez vos ceintures, fermez les colombiers, envoyez les bombardiers à vos marques, prêts, partez. Pour votre sécurité, nous allons renforcer les contrôles à la frontière. Renvoyez les charters, pas de thune pour la charité. On a tout mis dans les chars, les hélicoptères. Faites taire les contestataires, que c'est qu'on reste à terre. J'ai des flashbacks de flashball dans la cabessa. C'est fâché pour les fachos, y'a pas de caméra. Que pour les camés et les rats, le plan Vigipirate et l'état d'urgence sont en place. Prêt à faire face. Au nom de la sécurité, à l'aldo large, la sécurité au sens où vous l'entendez. Du sang plein les mains et la domination du pouvoir à l'esprit. À la politique, c'est pas que aller voter. Même si moi j'y crois pas. Mais pour l'instant faut s'organiser parce que la politique elle se fait sans nous. Mais surtout contre nous. Au nom de la sécurité, ça vise les minorités, les minots irrités. On nous demande de payer, d'arrêter de pigner quand on se fait piller. C'est pas le moment de plier, faut s'affilier, ça je l'ai bien pigé. Au nom de la sécurité, on nous prépare une guerre civile, on envoie des missiles. On hypnotise, on traumatise, puis on stigmatise. Crois pas que le peuple soit si docile ou que je dramatise, l'atmosphère s'électrise. L'atmosphère s'électrise. Au nom de la sécurité, persécuté, même dans la street en GAV. Au nom de votre putain de sécurité. Oui, vous êtes toujours dans le magazine Libertaire sur Jet FM 91.2. Alors, on va maintenant lire un compte-rendu dans l'appel du non-lieu dans la mort de Rémi Fraisse. Alors, c'est un compte-rendu qu'on a trouvé sur un site qui s'appelle desarmons.net, qui est un collectif contre les violences d'État. Donc, le jeudi 10 octobre 2019, se tenait à Toulouse l'audience d'appel du non-lieu dans la mort de Rémi Fraisse. Rémi Fraisse avait été tué à Sivens dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. À 1h40, Rémi se trouvait près d'un groupe de 4 ou 5 personnes, à une quinzaine de mètres des gendarmes, quand plusieurs explosions ont retenti. Depuis, les positions du peloton Charlie 1, constitué de 8 gendarmes, le maréchal des logis Jean-Christophe Jamin venait de lancer une grenade F1 offensive, en cloche par-dessus la clôture, qui devait exploser dans le dos de Rémi, lui sectionnant le haut de la colonne vertébrale et le tuant sur le coup. Le combat juridique débute en 2016 et se solde par un non-lieu le 8 janvier 2018. Il n'est pas nécessaire de préciser que dans les affaires similaires, les personnes dépositaires de l'autorité publique bénéficient presque systématiquement d'un non-lieu. Cette impunité permise par la justice n'est autre qu'une carte blanche aux violences et aux meurtres de la part des forces de l'ordre. L'audience, qui débute ce 10 octobre à 8h30, a pour but d'obtenir que le maréchal des logis, Jamin, soit traduit en justice et qu'il y ait un vrai procès. En hommage à Rémi et en soutien à sa famille, environ une cinquantaine de personnes étaient réunies devant le tribunal de grande instance de Toulouse dès le matin. À cette occasion, le préfet de Toulouse a déployé un dispositif policier impressionnant. Plus d'une dizaine de camions sont garés dans la rue adjacente, 6 à 8 policiers devant la porte du tribunal et quelques patrouilles de 2 à 3 personnes au coin des rues, LBD en main, lanceurs de balles de défense. Ce dispositif est désormais déployé pour chaque rassemblement politique. Lors des discussions entre soutiens, plusieurs hypothèses sont évoquées. Provoquer la peur des participants au rassemblement ou susciter chez les passants un sentiment d'insécurité au contact de ce même rassemblement. Dans tous les cas, ne pas rendre possible l'adhésion. En ce jour, leur présence est ressentie par les proches comme une provocation, voire une insulte. Plusieurs prises de parole ont lieu pour rendre hommage à Rémi, mais aussi à toutes les victimes de meurtres policiers, pour dénoncer les violences d'État et l'impunité offerte à ceux qui les commettent. L'audience se termine vers 14h, après 5 heures de débat, et l'avocate d'une partie de la famille vient débriefer et partager ses impressions avec les soutiens. Elle évoque le fait que le débat s'est centré sur la proportionnalité de la réponse des forces de l'ordre. Les avocats du gendarme ont évoqué un contexte hyper violent, évoquant notamment les deux Algéco incendiés la veille et justifiant selon eux un usage de la force qu'ils estiment proportionné. La vidéo en lien dans notre précédent article, donc sur le site desarmons.net, que vous pouvez retrouver la vidéo, cette vidéo démontre pourtant le contraire. On constate un terrain à découvert, tenu par les forces de l'ordre, alors qu'il n'y a rien à protéger, et des personnes non armées faisant face à des escadrons de gendarmerie et à un usage tout à fait disproportionné de la force, avec notamment un usage massif de grenades à effet de souffle. Le débat s'est ensuite intéressé à la létalité de l'arme employée. Les avocats du gendarme arguaient que la létalité de la grenade OF-F1 n'était pas démontrée, et qu'elle ne pouvait être considérée comme une arme de guerre. La partie civile a pourtant amené un précédent. Vital Michalon, tué en 1977 par une grenade offensive à Cresmalville, dans le cadre d'une lutte antinucléaire. Les avocats du gendarme ont prétendu qu'il ne s'agissait pas de la même grenade, mais de son modèle antérieur. Ce qui est faux, puisque Vital Michalon et Rémi Fraisse ont tous les deux été tués par une grenade OF-F1. Enfin, les avocats du gendarme estiment que la décision d'avoir maintenu les forces de l'ordre à Sivens cette nuit-là et d'avoir provoqué de nouveaux affrontements, alors même que la situation s'était calmée en début de soirée, était une décision d'ordre politique et ne pouvait entraîner une réponse juridique. C'est une manière de botter en touche, déplacer le procès sur un volet politique, permettant de ne pas engager la responsabilité du gendarme, puisqu'il cesse par là d'être acteur de la décision. Quand bien même il a pris la décision ultime de lancer cette grenade. Il est donc tout simplement déchargé de la responsabilité de son acte, qui devient alors un accident. Ces tours de passe-passe sont permis par un vide juridique, le maintien de l'ordre ne faisant l'objet d'aucun cadre législatif clair. Ce vide juridique permet aux coupables de contourner sans cesse les accusations. Le maréchal des logis n'est donc pas, aux yeux de la justice, responsable de la mort de Rémi Fraisse. Ce dernier est donc mort tout seul. La partie civile reste pessimiste sur le résultat de cet appel, dont le délibéré sera rendu le 9 janvier 2020. Comme dit si bien la banderole, la police mutile et tue, la justice acquitte, la justice collabore et contribue à l'impunité de ces hommes qui arrachent des vies ou les brisent. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Rémi. De sons et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escaliers que gentiment on nous héberge, dès qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge. Tu mets sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde, comme des hordes de barbares en affront ou à barbe, que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes, et que les vies germent dans nos épidermes, et tu sais le tapage nocturne

Nous avons voulu nous renseigner sur les outils existants et les partager afin de se renforcer mutuellement et de contribuer toujours plus à la destruction de toutes les prisons. Pour ce faire, on a créé la plateforme courrierparloirhélicoptère.noblogs.org pour référencer et partager les outils et retours d'expérience de différents collectifs de soutien de prisonniers. Et du coup, il y a aussi un petit message pour les personnes, pour les collectifs qui contribuent à la lutte contre les tôles. Et c'est dans cet objectif, nous proposons aux différents collectifs qui contribuent à leur manière à lutter contre l'isolement carcéral de partager leurs méthodes et expériences à travers la plateforme. Et du coup, ils rappellent l'adresse de la plateforme qui est, je le rappelle, courrierparloirhélicoptère, ça c'est tout attaché, noblogs.org. Et on va continuer du coup avec les autres annonces. On va continuer avec les autres annonces. J'ai, de mon côté, j'ai une réunion d'information qui se passe demain soir, donc jeudi 17 octobre à 18h30 à La Dérive, qui est du côté, alors je ne sais plus l'adresse, mais c'est du côté du boulevard d'Albi. Et en fait, c'est une réunion d'information suite à l'expulsion d'un lieu qui s'appelle La Masada, donc, où les personnes résistaient à l'implantation d'un, et résistent toujours d'ailleurs, à l'implantation d'un méga transformateur de RTE. Et il y a une soirée donc demain à La Dérive à 18h30 pour s'informer et agir. Comment faire, enfin, est-ce que les personnes sont intéressées par des actions décentralisées? Est-ce qu'il y a une organisation d'un convoi pour répondre à l'appel, à un appel à récupération donc le week-end du 1er des 2 et 3 novembre? Alors, je ne vous ai pas dit que ce lieu, c'est dans l'Aude, en fait. Le numéro 12, c'est l'Aude, il me semble. Voilà, et ça s'appelle Saint-Victor. Moi, j'ai une annonce pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, alors... ça a déjà commencé, c'est en cours. Il y a un rassemblement à Redon en soutien aux Géorgiens et Géorgiennes expulsés. Donc ces personnes, elles ont été expulsées. Elles ont été expulsées le 4 octobre 2019 suite à de multiples interpellations brutales, bafouant jusqu'au plus élémentaire des droits fondamentaux humains. 33 Géorgiens qui vivaient en Bretagne ont été expulsés de force par avion charter vers la Géorgie. Donc le rassemblement, il est en ce moment, ça a commencé à 13h et c'est place de Bretagne à Redon. Et samedi, il y aura un second rassemblement dont on n'a pas encore l'heure, mais on vous invite à essayer de suivre l'info. Ce second rassemblement, il aura lieu à l'aéroport de Rennes. Et du coup, les personnes qui organisent ce second rassemblement à l'aéroport, elles demandent de relayer cette info au plus grand nombre. Mais ils disent, si nous sommes suffisamment nombreux et nombreuses, nous pourrons peut-être bloquer quelques charters de retour forcé au départ. Un autre rassemblement aujourd'hui, cette fois c'est à Guingamp, et c'est un rassemblement contre l'invasion du Rojava. Et je vais vous lire l'annonce. Les organisations guingampaises sont sous-citées, invitent à se rassembler à 18h, place de l'Échiquier, à Guingamp, le 16 octobre à 18h, pour protester contre l'invasion du Rojava, Kurdistan de Syrie, par l'armée turque et en solidarité avec les populations civiles kurdes, turques et syriennes. Et c'est signé l'ULCGT Guingamp, le NPA Guingamp, la Lyon Bégard, le PCF Guingamp, la gauche indépendantiste, Résistance solidaire Trégor Argoa. Alors, samedi 19 octobre, du côté de devant la prison de la maison, il y a un rassemblement pour en soutien à Georges Ibrahim Abdallah et pour exiger sa libération. Donc, Georges Abdallah, c'est un militant communiste libanais, combattant pour la lutte de libération nationale de la Palestine. Et il est incarcéré dans les geôles de l'État depuis plus de 35 ans. Il a été condamné à perpétuité pour complice dans des actes de résistance revendiqués par les fractions armées révolutionnaires libanaises, alors que son pays, le Liban, était envahi par les troupes sionistes. Et il est libérable depuis 1999. Malgré deux libérations prononcées par le tribunal d'application des peines, il est maintenu en prison. Et donc à partir du 24 octobre 2019, il entrera dans sa 36e année de détention. Aujourd'hui, il est le plus ancien prisonnier politique en Europe. Donc il y a une manifestation et un rassemblement, donc une manifestation à Lannemezan samedi 19 octobre. Alors, j'ai pas l'heure, en fait. Il me semble que la manifestation part de la gare et va jusqu'à la prison. Voilà. Mais il y a plusieurs appels que vous pouvez retrouver sur des sites d'information parce qu'il y a des départs en car, donc pour se rendre à cette manifestation. Je sais qu'il y a un départ de Paris, un départ de Toulouse et plusieurs mobilisations en France et en dehors de la France. Vendredi à Toulouse, par exemple, à 18h30, il y a un meeting-concert « Résister, c'est exister », solidarité avec Georges Abdallah et la Palestine. Et sinon, il y a des rassemblements aussi, un rassemblement samedi 26 octobre à 14h30 à Lille, place du Général de Gaulle. Et vous pouvez retrouver toutes les dates donc, dans le cadre de cette mobilisation sur freeabdallah.red. On mettra le lien sur le site. La prochaine annonce, c'est un stage d'autodéfense féministe qui a lieu donc les 19 et 20 octobre, donc la semaine là, ce week-end-là. Donc samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h30 à 16h30. Donc il est recommandé de faire les deux jours, il est nécessaire de faire les deux jours donc de ce stage. Ça se passe près de Châteaubriant, ça se passe à Villepeau, donc c'est entre Nantes et Rennes. Et du coup, les personnes peuvent s'inscrire. Donc il y a un mail de contact qui est couefes@protonmail.com. Et donc, si les personnes sont intéressées, donc, peuvent s'inscrire rapidement parce qu'il n'y a que 12. En fait, c'est limité à un nombre pour pouvoir être plus à l'aise, limité à un petit nombre donc, de personnes qu'il a et 12 femmes maximum. J'ai une autre annonce qui se passe du côté de Saint-Père-en-Ré ce week-end, c'est dimanche à partir de midi. C'est une manifestation contre le surf park de Saint-Père-en-Ré. Donc dimanche, voilà, environ 40 km de Nantes, le départ se fait devant la mairie. Donc c'est pour dire non à la bétonisation des terres, au gaspillage d'eau potable, à l'énergie brûlée pour fabriquer les vagues. Et voilà. Et du coup, ça se passe sur des terres agricoles où deux promoteurs nantais soutenus par le maire de la commune souhaitent construire une piscine à vagues artificielle. Donc c'est dimanche 20 octobre à partir de midi et c'est signé le collectif nantais contre le surf park de Saint-Père-en-Ré. Donc, je n'ai plus d'annonce. Est-ce que tu veux rajouter ? Non, je n'en ai plus non plus. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui est terminée. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine sur Jet FM, midi 5, mercredi. Et à bientôt. Au revoir. Et juste avant de dire au revoir, on va vous laisser en musique. Et juste, j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, quand on annonçait la plateforme d'info pour les proches de détenus et les collectifs qui luttent contre l'isolement carcéral, on voulait aussi vous annoncer qu'il y a une émission que peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle Casse-Muraille à Nantes, qui passe sur Jet FM. Et c'est chaque dimanche à partir de midi. Voilà, on vous laisse en musique avec Kazé. jour que l'on met en quarantaine. Je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule. Je traîne en ville, en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne. Et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam, serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La arme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'ai le ventre à terre et on m'en veut à tort. Je n'ai aucun de leurs critères pour monter à bord. Mon dortoir est autant solitaire qu'en retard. Beaucoup trop près de l'arbitraire et ses avatars. Ce qu'on déplore en clair, c'est que je ne sais pas plaire. Embrasser l'étendard, applaudir en fanfare. Et on me fait dire qu'il faut bannir ma colère. Et puis faire taire mes nerfs à vif et mes nombreux molars. Mon calvaire n'est réduit qu'à un bruit de couloir. Un parcours vulgaire qui manque de bon vouloir. On dit que ma cité n'est pas le défouloir de flics ailés, un triste défilé d'abus de pouvoir. Et mon itinéraire n'est ni mort, ni tout noir, ni pétonné, ni à mille bornes des plus beaux territoires. Mon teint n'est pas non plus maintenu sous le tonnerre. Attendons le meilleur, commençons les prières. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La âme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Allez-y, utilisez la science ou la raison. Criez à l'hérésie, protégez vos maisons. Vivez l'instant présent avec l'air amusé. Et dressez des cloisons pour les faibles et les frisés. Et écrasez quiconque voudrait fouler vos gazons. À chaque carreau brisé, réclamez la prison. Et bâtissez maintenant tous vos propres musées. Car très bientôt vos nuits ne seront plus apaisées. Le climat est pesant, les gens sont épuisés. Veulent les têtes des méprisants sur le banc des accusés. Le projet est séduisant et les larmes aiguisées. Qu'il serait plaisant de tous les saigner à l'île. Vous ne faites plus illusion, vos promesses sont usées. On va venir embraser tous vos salons tamisés. J'ai déjà composé le chant de vos oraisons. Je suis désabusé, j'ai la nausée et pas mal de lésions. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La âme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Que l'on met en quarantaine. N'entends pas. C'est que... en bande ou même au sol, au sol, à la console. Je l'ai dit, j'ai la boue, étincelle, au sol, je recherche les. Je recherche l'étincelle, au sol, je vois, je ma flemme. Je sais, je traîne, je sens, je gêne, ma tête mêlée, ma peau, mes peines, la âme, le temps. Mes peines, j'habite au loin, en zone urbaine. Je sais, je traîne, je... je gèle ma tête, mêlée, ma peau épaisse.